j'en supplie, donnez-nous des bonbons. Maman et papa, donnez-nous des bonbons. Maman et papa, donnez-nous des bonbons. Maman et papa, donnez-nous des bonbons, des bonbons, des bonbons. On a envie de papa. Maman et papa, donnez-nous des bonbons. Maman et papa, donnez-nous des bonbons. On vous le demande gentiment.